Qui s'est à personnaliser mon arme de guerre. Nos textes n'ont plus rien à perdre. Ce son qui vient pour voiler ce thème. On fonce droit dedans, la dette à première. Dans la vie, dans le son, c'est ce qui nous reste à perdre. On fonce droit dedans, la dette à première. Dans la vie, dans le son, c'est ce qui nous reste à perdre. Au fond, je sais ce qu'il me reste à perdre. Et je sais que plus rien n'éteindra la confiance de mon père. J'ai fait plus de mal que tu ne pourrais l'imaginer. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, au dépend de quelle fierté. C'est clair que je n'ai plus rien à perdre. Je le dis dans ce thème signé S-A-F-I-R. Je me souviens des moments où j'étais au plus bas, animé par les trahisons et les coups bas. Si haïr la vie est un crime, alors je suis coupable. Au final, j'ai mené ma vie comme un combat. Ressentiment et caractère morose que l'on exprime en vers ou en prose. Guidé par le tourment, qui sait ce qui m'attend demain au tournant. Les sentiments ne sont que des théories et des théorèmes. En d'autres termes, je n'ai plus rien à perdre. Mon rap n'a plus rien à perdre. J'ai étudié cet art, personnalisé mon arme de guerre. Nos textes n'ont plus rien à perdre. Ce son qui vient pour voiler ce thème. On fonce droit dedans, la dette à première. Dans la vie, dans le son, c'est ce qui nous reste à perdre. On fonce droit dedans, la dette à première. Dans la vie, dans le son, c'est ce qui nous reste à perdre. Je doute de ma force physique et mentale. J'arrive toujours pas à péter les murs de cette spirale. J'suis bloqué dedans et pour en sortir faut faire abstraction. Abstraction des soucis qui nous poussent vers une autre direction. Plus le sable du sablier coule, plus mes réactions prennent de l'âge et plus le fonctionnement s'écroule. J'ai rien à perdre, même pas un diplôme, même pas un papier. C'est pas ça qui a fait de moi un homme fier d'avoir reçu des coups que était l'alarme de mes infractions. Ma musique c'est le reflet de mon éducation. Si j'arrive au bout de mon rêve, toujours encore avec cette patate. Après tant d'infériorité, faut que je t'épate. Si j'ai une médaille à recevoir, je la penche vers mon frère car c'est lui l'auteur de ma victoire. Pour le moment on navigue et on améliore notre performance. Si le bateau chavire avant, tant pis, je partir avec des compétences. Mon rap n'a plus rien à perdre. J'ai étudié cet art, personnalisé mon arme de guerre. Nos textes n'ont plus rien à perdre. Ce son qui vient pour voiler ce thème. On fonce droit dedans, la dette à première. Dans la vie, dans le son, c'est ce qui nous reste à perdre. On fonce droit dedans, la dette à première. Dans la vie, dans le son, c'est ce qui nous reste à perdre. Il me reste à perdre la famille, les amis, les sons, les soucis, ce qu'il me reste ici. Il nous reste à perdre la peine, la haine, la rancœur, ma part de bonheur et mes écrits. Il me reste à perdre ma famille, le pote, la musique puis l'amour. Il me reste à perdre une chute fatale qui peut stopper notre parcours. Abattre ceux qui pourraient être mes ennemis, ceux d'un autre camp, ceux qui m'empêchent d'accomplir mes envies. J'y ai misé ma vie, yeah, à cette passion. L'échec c'est la mort qui m'ouvre le fourgon. J'aurais beaucoup à perdre si j'écoutais les critiques, que ce soit sur mon physique, ma vie ou ma zik. J'ai du mal avec le regard des gens, j'y prête pas l'attention, mais à la fin ça devient pesant. Mon rap n'a plus rien à perdre. J'ai étudié cet art, personnalisé mon arme de guerre. Nos textes n'ont plus rien à perdre. Ce son qui vient pour voiler ce thème. On fonce droit dedans, la dette à première. Dans la vie, dans le son, c'est ce qui nous reste à perdre. On fonce droit dedans, la dette à première. Dans la vie, dans le son, c'est ce qui nous reste à perdre. Mon rap n'a plus rien à perdre. J'ai étudié cet art, personnalisé mon arme de guerre. Nos textes n'ont plus rien à perdre. Ce son qui vient pour voiler ce thème. On fonce droit dedans, la dette à première. Dans la vie, dans le son, c'est ce qui nous reste à perdre. On fonce droit dedans, la dette à première. Dans la vie, dans le son, c'est ce qui nous reste à perdre.